Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le classique du cinéma, Le Père Noël est une ordure. Moi, je me rappelle très bien de Josiane lançant l'idée de la nuit de Noël à SOS Amitié. À l'époque, il y avait beaucoup de pubs pour un organisme qui s'appelait Détresse Amitié, SOS Amitié. Et donc, c'est venu, qu'est-ce que ça pourrait être ? Et ça nous faisait rire parce qu'on avait l'esprit moqueur, de se moquer des gens qui font le bien. On a écrit ça pendant un mois. Voilà. On riait comme des fous et on était persuadés que ça ne plairait qu'à nos amis. Thierry Lhermitte, Josiane Balasco et Christian Clavier dans le documentaire « Il était une fois, le Père Noël est une ordure », un documentaire réalisé par Daniel Ablin en 2011. Quand il sort en salle en 1982, « Le Père Noël est une ordure » reçoit un accueil plutôt mitigé. Ce n'est que quelques années plus tard, en fait, beaucoup grâce à la télévision, que ce film-là va acquérir le statut de film culte et qu'il s'impose comme marqueur important de la culture populaire française. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben, bien sûr. Ah ben, alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Dans le Père Noël, c'est la densité de bêtises qu'il y a. Il n'y a pas une réplique normale. Tout est décalé dans la manière de le dire, dans la situation. C'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah, mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravie, Thérèse. Il y avait tellement de choses drôles, une telle quantité, aussi bien dans le dialogue que dans le jeu, que dans le décor, que dans les détails. Il y a toujours beaucoup de choses à choper, à regarder, à remarquer. C'est cela, oui, oui, oui. C'est cela, moi je l'avais inspiré d'un agent de l'époque, qui disait c'est cela, ah, je tourne demain ou c'est cela, oui. Thierry Lhermitte et Marianne Chazelle dans le documentaire « Des bronzés au Père Noël, la folle histoire du Splendide », un documentaire réalisé par Baptiste Agos en 2014. Pour nous raconter la petite histoire du film « Le Père Noël est une ordure », je reçois Michel Coulombe, qui est chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télévision. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour, Jacques. Où classez-vous, Michel Coulombe, ce drôle d'objet filmique qu'est « Le Père Noël est une ordure » ? Les grands succès du cinéma français sont des comédies où deux hommes s'affrontent et puis se rapprochent. Pensez à La Grande Vadrouille, Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, Les Visiteurs, c'est le modèle. Ici, c'est un groupe. Déjà, c'est différent. Plusieurs des grands succès du cinéma français sont tirés de pièces de théâtre très signées, par exemple Francis Weber, Le Dîner de cons. Ouais. Ici, c'est un collectif. Ce que tous ces films ont en commun, ce sont des scènes et des répliques que le public va s'approprier au fil des années. Et c'est ce qu'on trouve effectivement dans « Le Père Noël est une ordure ». On a entendu « c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin ». Mais aussi, on parle de Thérèse et on dit qu'elle n'est pas moche, qu'elle n'a pas un physique facile. Vous voyez, ce genre de choses complètement absurdes qui sont entrées dans la culture populaire comme certains des éléments du « Père Noël est une ordure ». Et c'est vraiment l'un de ces films-là qui en France, c'est un des films qui fait partie de la culture populaire vraiment. En même temps, et c'est très drôle, en même temps, il y a une certaine audace dans ce film-là, dans cette proposition. Déjà, le titre, Michel Coulombe, Le Père Noël est une ordure, quand même, c'est culotté. Et ça correspond déjà, ce titre-là, à l'esprit du film, non? Oui, bien, ils ont la vingtaine, donc, et commencent à connaître du succès. Je parle des gens du Splendide, ouais. Puisque c'est la troupe qui a créé, effectivement, la pièce puis le film. Donc, ils ont cette audace. C'est ce qui se produit. Ils ont un premier titre en tête qui est encore plus audacieux. Ils vont vers celui-ci, qui est une forme de compromis, finalement, mais qui est accrocheur, qui correspond à un des aspects de la pièce. Bon, quand ça deviendra un film, ce sera véritablement problématique, parce que là, il y a une plus grande campagne. La pièce, ça posait pas de problème, mais pour le film, ben, la ville de Paris, la RATP, donc le réseau de transport, refuse les panneaux publicitaires, parce que vraiment, moment, là, proche des fêtes, on ne dit pas que le Père Noël est une ordure. Certains exploitants vont ajouter un mot, une expression pour atténuer peut-être la force de ce titre. Le Père Noël est presque une ordure. Et même quand ils tournent le film, ce qu'ils vont faire autour des Galeries Lafayette, puisqu'il y a le Père Noël joué par Junio, ils vont dire « c'est les bronzés fête Noël et pas le Père Noël est une ordure ». C'est ce qu'ils mettent sur le clap du film pour pas faire peur aux gens, puis vraiment donner l'impression que c'est un film ordurier ou qui poserait problème. Même s'ils disent que c'était très facile, quand la promotion du film a démarré, Junio, puisqu'il était le Père Noël, a dû plus d'une occasion dire « c'est pas l'institution du Père Noël qui est une ordure, c'est mon personnage qui est violent, qui est pas gentil ». Ouais, mais c'est vrai qu'au fond, ça a l'air anecdotique, tout ce que vous nous racontez, et ça l'est en partie, puis les acteurs nous ont resservé ces anecdotes jusqu'à plus soif, mais sur le fond, il y a une attaque, en fait. Noël, c'est important en Occident, en France, et c'est à ça, cette image lisse où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est à ça qu'on s'attaque aussi dans ce film-là. Il y a quand même une tradition des films de Noël où le Père Noël est effectivement un personnage merveilleux qui vient sauver les gens, réaliser leurs vœux, où c'est un moment magique dans la famille. Le principe même de ce projet, c'était de dire c'est un moment de l'année où les gens sont heureux. Les films consacrés à Noël ont toujours montré cet aspect-là, le Père Noël merveilleux, des moments magiques, cet espoir d'un cadeau, d'une rencontre, de retrouvailles. Là, on montre des gens malheureux à cette période, effectivement, de retrouvailles. Oui. Vous avez déjà évoqué le fait qu'au départ, d'abord, c'est la troupe du Splendide qui est à l'origine de ce film-là, et c'est une pièce avant d'être un film. Rappelez-nous un petit peu d'abord qui sont ces joyeux lurons de la troupe du Splendide et où en est la troupe, justement, au moment où on décide de tourner Le Père Noël est une ordure. La troupe sera constituée en 1974. Trois de ses membres, Thierry Lhermitte, Gérard Junio, Christian Clavier, se connaissent depuis l'âge de 12 ans. Vont s'ajouter à eux Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle. Mais c'est une troupe qui crée ses propres pièces, mais quelqu'un part, quelqu'un arrive, d'autres s'ajoutent parce que tout le monde a ses projets. Et ils sont à ce moment, à ce tournant, à la fin des années 70, puisque la pièce est créée en 1979, où le succès personnel de certains va effectivement entraîner la fin du groupe. C'est le cas de Michel Blanc qui, au moment de se lancer dans Le Père Noël est une ordure, dit « Non, je crois que je vais faire ma route seul. » Il va poursuivre avec les bronzés puisqu'il sera des bronzés font du ski, mais il va s'arrêter là. Josiane Balasco devait tenir le rôle de Thérèse, donc le rôle que tient Anémone. Elle va le faire parfois d'ailleurs à la scène pour remplacer Anémone, mais elle a un film en tournage et puis elle a une pièce de théâtre, donc d'autres projets, c'est pas possible. Donc c'est vraiment un tournant, ce sera leur dernier projet de groupe de cette troupe du Splendide puisque leurs carrières vont vraiment décoller. Les bronzés plus Le Père Noël est une ordure, c'est effectivement un lancement de carrière vraiment considérable pour tout ce monde-là. Ils vont être consacrés, ils sont toujours des vedettes du cinéma français une quarantaine d'années plus tard. Allô? SOS Détresse? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Allô, SOS Détresse? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Allô? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Destinée, inutile de fuir ou de lutter. C'est écrit dans notre destinée. Je vous apporte des doubits choux. Des quoi? Des doubits choux. C'est comme des truffes en chocolat. Je vais les remiser par devers moi. Mais vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah, oh, ben si, nous allons les goûter, bien sûr. Oui, mais bien sûr, nous allons les goûter, bien sûr, M. Brokovic. À vos pieds. Ah non, je vous en prie, Thérèse. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Ce sont les fameux doubits choux de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, oui, oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. Bon, certains de nos auditeurs, Michel Coulombe, c'est certain, connaissent tout ce qu'on vient d'entendre par cœur. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas ce film-là, qu'en raconte Le Père Noël est une ordure, Michel? À la base, c'est assez simple. C'est le soir de Noël. On est dans un centre d'aide téléphonique pour gens dépressifs, suicidaires, SOS, détresse, amitié. Thérèse et Pierre prennent les appels. Il y aura quelques appels, mais essentiellement, ça se passera dans leur bureau où tout ce qui se passe est complètement fou. Des gens effectivement très violents, dépressifs, au bout du rouleau, très seuls. Et toutes ces vies vont se croiser le temps d'un soir de Noël et jusqu'à l'extrême, puisque la pièce, elle, va jusqu'à la mort d'un des personnages. Donc, une scène complètement folle dans un endroit où, normalement, on prend les choses très au sérieux. Oui. Avec un ton, par ailleurs, très drôle et très vaudevillesque. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, une des particularités, c'est que cette pièce-là, d'abord, et puis ensuite le film, c'est un travail collectif. Et ce qui est génial avec le film « Le Père Noël est une ordure », c'est que chaque comédien crée, en quelque sorte, son propre personnage. Oui, les acteurs, en fait, sont des observateurs de la société. Ils vont aller chercher un tic, une habitude, un vêtement, parmi les choses qu'ils voient autour d'eux. Et là, c'est exactement le cas. Par exemple, le personnage de Pierre, celui de Thierry Lhermitte, est inspiré du père de Marianne Chazelle, qui lui-même travaillait dans un centre d'aide comme celui-là. Le personnage de Marianne Chazelle, sa Zézette, est inspiré d'une clocharde. Puis elle se disait, ben, il manque quelque chose à mon personnage. Elle s'est rendue chez son dentiste et puis elle s'est fait faire ses dents invraisemblables qui modifient son apparence, mais aussi son élocution. Donc, ça crée quelque chose. Quand on a ajouté au film un personnage pour que Josiane Balasko rejoigne la troupe, on lui a donné l'allure de Simone Veil, donc figure politique, figure du féministe en France. Donc, vous voyez, on a pigé à gauche, à droite. Pour ce qui est du personnage de Katia, le travesti que joue Christian Clavier. Là, ben, c'était assez simple parce qu'il y en avait des tas autour du théâtre du Splendide. C'est un rôle que devait tenir au départ Gérard Jugnot, mais se raser la moustache, c'était une chose incroyable et inadmissible pour lui, en fait. Donc, le rôle est allé à Christian Clavier. Bon, avec Le Père Noël est une ordure, on revient un petit peu sur la thématique, sur l'audace aussi de la troupe du Splendide de s'attaquer à l'image lisse et de rêve qu'on a généralement de Noël. Là, on s'attaque vraiment à des vraies problématiques sociales en faisant tomber des tabous importants. À ce propos-là, on écoute à nouveau un extrait du documentaire « Il était une fois, Le Père Noël est une ordure ». Moi, j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile. C'est tout, la Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à trois doigts. Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Mais bien sûr, bien sûr. Mais Thérèse, si je peux me permettre. Une bonne paire de chaussettes et hop. Hein? On s'en fière tout de même. Le message, c'était de se marrer, de se moquer et de décrire une bande de fous furieux. Je crois que c'était ça. Et c'est ça qui nous amusait, c'est de se moquer justement de ces gens extrêmement bien-pensants qui peuvent dire des horreurs. Voilà. Ça a toujours existé. Maintenant, c'est devenu humanitaire. Mais c'est vrai que bon, les œuvres, c'est vrai que les gens qui se donnaient bonne conscience en faisant des choses pour lesquelles ils n'étaient pas préparés et qui arrivaient à faire des horreurs, ça, c'est quelque chose qui nous avait toujours marqué. Dans la satire, des bénévoles me paraît la plus aiguë, la plus réelle, si je puis dire. Et où est le cadavre? Mais là, ça fait une heure qu'on vous dit qu'on l'a découpé en morceaux dans la cuisine et qu'on va le balancer ni vu ni connu. Vous êtes bouché. C'est un film très politiquement incorrect parce que les pauvres sont odieux, alors que généralement dans les films, les pauvres sont sympathiques. Ici, les pauvres sont absolument épouvantables. Ils sont voleurs, menteurs, et en fait très démerdards et très malins. Joyeux Noël, fait ! Ces personnages sont des ordures, on va pas non plus être gentil, on va pas être angélique. Et en même temps, on leur trouve des vérités. En partant du principe que les pauvres sont pas forcément gentils, ils n'ont pas les moyens de l'être, sinon... Oh, tu me fous le nez ! Eh ben, tu sais ce qu'il y avait dedans, Brody ? Il y avait ton slip et ton tricot de porc, qui était à bouillir ! Ben, je m'en tape, j'en volerai un autre. Bon, l'idée de se moquer à la fois à Michel Coulombe des pauvres et de tous ces bien-pensants, d'autre part, qui viennent à leur secours, ça, c'est assez brillant. C'est au cœur de la proposition de ce film, Le Père Noël est une ordure. Puis ça nous amène, Michel, à parler du ton. On en a eu une idée en écoutant ce qu'on vient d'entendre. Comment décrire cet humour-là, cet humour mordant, cet humour parfois méchant du Père Noël est une ordure? C'est assurément de l'humour noir, c'est déjanté, et puis ça fonctionne sur le contraste entre, d'un côté, ces gens très bons, et de l'autre, les affreux, sales et méchants, puisqu'on pourrait évoquer Ettore Scola. On dit on ne présente pas les gens pauvres comme ça d'habitude. Non, parfois, on le fait. On y va, mais vraiment avec férocité. Et puis, on ne se gêne pas. Par exemple, on a cette femme enceinte, Zézette, qui va frapper avec, je crois, un fer à repasser son mari violent au visage. Des choses, une femme enceinte jusqu'aux oreilles, normalement, n'est pas violente. Un Père Noël n'est pas violent. Là, on joue avec des images consacrées et puis on en fait tout à fait autre chose. Il faut dire quand même que toutes les comédies partent de gens qui ont un problème ou un autre. Là, on a grossi le trait. Énormément. C'est peut-être parce que ça vient effectivement d'une création collective. Donc, tout le monde a mis le volume à fond. Oui. Pour faire des compositions, parce que ce sont toujours des compositions, donc on y est allé à fond. Et probablement que l'effet, quand on connaît le fait que ce soit une pièce au départ, ça a participé de cette volonté de mettre le volume à fond, comme vous dites. On entend presque, on imagine les rires dans la salle. Et c'est le problème qu'ils ont eu d'une certaine façon. Enfin, c'est là où ils ont été un peu décontenancés. Ils se sont dit, et on l'entendait tout à l'heure, je crois que c'est Clavier, on ne croit pas que ça va vraiment marcher là, quand on lance la pièce. Or, à la première réplique de la petite salle où il jouait, celle du Splendide, ça se met à rire. La deuxième aussi. Mais comme chaque réplique est porteuse de quelque chose d'absurde ou de féroce, ça a été comme ça tout du long, tellement qu'après quelques semaines, ils ont dû changer de théâtre, en prendre un plus grand. Donc, ça a été un succès instantané qui les a eux-mêmes surpris. Encore là, il y avait quelque chose de l'époque, de la génération, de l'audace, et puis d'un certain absurde. On ne peut pas prendre ça au sérieux. Ouais. C'est tellement fou. Ouais. Si Le Père Noël est une ordure devient fini par devenir un film culte avec le temps, à sa sortie en 1982, l'accueil qu'on lui réserve est plutôt mitigé. Écoutez ceci. Je crois qu'il n'y a pas eu une nomination au César de cette époque-là pour le film. D'aucune manière. Rien. C'est extraordinairement intéressant, puisque je pense qu'on ne se souvient plus du tout de qui a eu le César cette année-là, et que le film perdure toujours aujourd'hui. À l'époque, le film ne cartonne pas, faut pas oublier, c'est un film qui devient culte. Il devient culte au fur et à mesure que les générations successives vont pouvoir se l'approprier. La chance qu'on a eue, c'est Yves Rosserroir, le producteur de ces trois films, qui lui venait de créer, qui avait le nez, il a créé la première société de vidéo, qui s'appelait RCV, et on a tout de suite été dans les catalogues RCV. Et après, le film, quand il est passé à la télévision, s'est mis à cartonner d'une façon absolument gigantesque, en pulvérisant des records, et puis c'est devenu un beau jour, à ma grande émotion, je découvre dans des IFOP ou dans des machins que c'est devenu l'un des films préférés des Français. À nouveau un extrait du documentaire de Daniel Albin, Il était une fois, Le Père Noël est une ordure. Qu'est-ce qui explique, Michel Coulombe, ce décalage entre l'énorme succès que va obtenir le film plus tard, le film culte qu'il va devenir, et l'accueil tiède qu'il a au tout départ, à sa sortie? Je vais d'abord apporter deux nuances. D'une part, les comédies, en France comme ici, ont rarement des nominations dans les soirées de remise de prix. Ouais. Donc, ce qui vaut pour Le Père Noël est une ordure vaut pour Les Boys, par exemple. Donc, de ce côté-là, ils sont peut-être un peu tristes, mais c'est presque normal. D'autre part, un succès mitigé, c'est quand même en salle en France, et puis ici aussi, puisque ça a été un certain succès ici, 1 600 000 spectateurs, ouais. C'est pas non plus un échec. Par ailleurs, effectivement, plein de films dans l'histoire du cinéma construisent leur succès. C'est ça, un film culte. C'est quelque chose qui appartient au souvenir, à la mémoire, et puis ça fonctionne, c'est des classiques, on se retrouve de ce côté-là. Dans le cas du Père Noël est une ordure, il y a effectivement de ça. On aime ces acteurs-là, on les aime encore aujourd'hui, ils ont la soixantaine, on les retrouve dans la vingtaine, ça fait plaisir. Les scènes, on les connaît par cœur, donc ben, c'est presque un effet karaoké dans la salle. Mais cet effet de construction, l'effet boule de neige, pensez à Blade Runner, le film de Ridley Scott, succès plutôt moyen à sa sortie, avec le temps devenu un film culte. Rocky Horror Picture Show a été un échec au cinéma à sa sortie. C'était aussi une pièce de théâtre chantée. Et puis, avec le temps, parce qu'il y a eu des tas de représentations où les gens se déguisent de toutes sortes de façons, c'est devenu un film culte. Ouais. Il y a ça, effectivement, dans l'histoire du cinéma. Ça ne se planifie pas. C'est le public qui en décide parce qu'il se retrouve dans quelque chose. Ouais. Film culte en France, certainement. Vous le disiez, au Québec, ça a bien marché aussi. À l'étranger, quel genre de rayonnement ça a eu? Le Père Noël est une ordure. Ben, d'une part, il faut dire que c'est un humour français. Donc, quand les Américains tentent d'en faire un remake, une nouvelle version Mixed Nuts, avec des acteurs connus, Adam Sandler, Steve Martin et Juliette Lewis, des acteurs connus, c'est un échec, mais vraiment un échec colossal. Pourtant, c'est Nora Ephron, la réalisatrice, quelqu'un qui a plutôt la main pour ce genre de choses-là. C'est un ton qui fonctionne pas, mais comme presque toutes ces grandes comédies françaises, Le Dîner de cons, Les Visiteurs, quand ils y refont aux États-Unis, ça fonctionne pas. Après, la pièce a été jouée, par exemple, au Québec, en café-théâtre. Elle a été jouée plus d'une fois en Russie, à Moscou comme à Saint-Pétersbourg. Il y a peut-être une folie de l'esprit russe qui, effectivement, trouvait un écho dans ce Père Noël est une ordure. Bon, aujourd'hui, on peut rire davantage, ou on a ri plus souvent avec les années, depuis le début des années 80, de Noël. Les Américains ont fait Bad Santa, par exemple. Mm-hmm. Et puis, des films irrévérencieux, on en a vu plusieurs. Pensez à Borat et puis sa suite. On a plus d'une fois depuis bousculé un peu le spectateur en riant avec lui de choses qui nous paraissent absurdes. Bon, il est certain que rire de la violence conjugale ou de l'image du Père Noël, c'était pas orthodoxe. Mais si on sait le faire en jouant avec le public, ben, parfois, ça donne un grand succès. C'est ce qui s'est produit pour cette pièce puis ce film. Une dernière question, Michel Coulombe, par rapport aux suites qu'aura ce film-là. Le Père Noël, est-ce qu'il aura, pour ainsi dire, eu des rejetons? Il a sûrement libéré une forme de comédie, ouvert la porte à d'autres qui voulaient ruer un peu dans les brancards et être moins propres. Donc, des films de Noël moins conventionnels, des films plus mordants, de l'humour noir. Mais on n'a jamais trouvé, dans le cinéma français en tout cas, puis au Québec, c'est pareil, une génération d'acteurs qui apparaît comme ça dans Les Bronzés et puis dans Le Père Noël est une ordure et qui s'impose pour rester là ensuite pendant au moins une quarantaine d'années parce que c'est pas fini dans le cas de tous ces acteurs. Ça, s'il y a eu effectivement des succès par la suite, on n'a jamais eu cet effet de troupe et cet effet de génération. C'est une marque dans l'histoire du cinéma français. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à notre radio, à notre télévision, c'était un bonheur de vous entendre nous parler, nous faire revivre ce classique du temps des fêtes, on peut dire ça. Oui, on s'est fait des doubichous ce soir. Là. Allez, soyons fous. Merci Michel Coulombe. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Non, mais où est-ce que vous êtes taché comme ça, M. Moiseau? Je vous présente toutes mes confuses. Mais vous confuses? Vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug.